Les présidents des comités populaires des provinces, villes et arrondissements de tout le pays et autres cadres des organismes du pouvoir et de l'économie ont visité le 1er juillet la pépinière numéro 122 de l'armée populaire de Corée. Précédemment, ils ont fait le tour de la ferme coopérative spécialisée de l'élevage de Namsan de la ville de Kusong de la province du Pyongan du Nord.